Le mystère d'Adolphe, d'Anne Radcliffe, chapitre 18. Un coup frappé à la porte d'Emily vint la tirer de l'espèce de sommeil auquel elle avait succombé. Elle tressaillit. Montoni et le comte Morano lui vinrent promptement à l'esprit. Elle écouta quelque temps, et reconnaissant la voix d'Annette, elle risqua d'ouvrir la porte. « Qui vous amène de si bonne heure ?» dit Émilie, toute tremblante. « Ma chère demoiselle, » dit Annette, « ne soyez pas si pâle. Je suis effrayée de vous voir ainsi. Il se fait un beau train au bas des escaliers. Tous les domestiques vont et viennent. Aucun ne se hâte assez. C'est un train dont personne ne peut deviner la cause. « Qui est-ce qui est en bas avec eux ?» dit Émilie. « Annette, ne m'abusez point. » « Non, pour le monde entier, mademoiselle, pour le monde entier, je ne voudrais point vous tromper. On ne peut s'empêcher de voir que monsieur est dans une telle impatience que jamais je ne lui en ai vu de semblable. Il m'a envoyé, mademoiselle, pour vous faire lever sur le champ. « Grand Dieu, soutenez-moi » s'écria Émilie éperdue. « Le comte Morano est donc en bas ?»« Non, mademoiselle, il n'est pas en bas. » « Du moins, à ma connaissance, » dit Annette. « Son Excellence m'envoyait-vous dire de vous hâter, parce qu'on allait quitter Venise, et que dans quelques minutes les gondoles se trouveraient au pied de la terrasse. Il faut que je me dépêche pour retourner auprès de ma maîtresse. Elle ne sait plus auquel entendre, et ne sait comment faire pour se dépêcher assez. » Annette sortit bien vite. Émilie se disposa à cette fuite soudaine et n'imagina pas qu'aucun changement dans sa situation pût l'aggraver. Elle eut à peine jeté ses livres et ses vêtements dans son porte-manteau qu'elle reçut un second avertissement. Elle descendit au cabinet de toilette de sa tante, où Montoni lui reprocha sa lenteur. Il sortit ensuite pour donner quelques ordres, et Émilie demanda la raison d'un si brusque départ. Sa tante parut l'ignorer aussi bien qu'elle, et n'entreprendre ce voyage qu'avec une répugnance extrême. La famille s'embarqua enfin. Mais ni le comte Morano ni Cavigny ne partirent. Émilie se ranima par cette remarque. Au moment où les gondoliers frappèrent les flots avec leurs rames, elle se sentit comme un criminel à qui l'on accorde un court répit. Son cœur s'allégea encore lorsqu'elle entra du grand canal dans la mer. Et elle fut surtout soulagée quand elle eut tourné les murs de Saint-Marc sans arrêter pour prendre le comte. L'aube commençait à peine à éclairer l'horizon et à blanchir les rivages de la mer Adriatique. Émilie n'osait faire aucune question à Montoni, qui resta quelque temps dans un sombre silence, et s'enveloppa ensuite dans son manteau, comme s'il avait voulu dormir. Madame Montoni en fit autant. Émilie, qui ne pouvait dormir, leva un des rideaux de la gondole, et se mit à considérer la mer. L'aurore éclairait par degrés les sommets des montagnes du Frioul. Mais leurs côtes et les vagues qui roulaient à leurs pieds étaient encore ensevelies dans l'ombre. Émilie, enfoncée dans une mélancolie tranquille, observait les progrès du jour, qui s'étendait sur la mer, développait Venise et ses îlots. Enfin, les rivages d'Italie, le long desquels les barques et leurs voiles légères commençaient à s'agiter. Les gondoliers étaient souvent appelés, à cette heure matinale, par tous ceux qui portaient des provisions au marché de Venise. Une foule innombrable de petites barques bien chargées et venant de terre ferme couvrit bientôt toute la lagune. Émilie donna un dernier regard à cette magnifique cité, mais son esprit était alors rempli que de ses conjectures sur les événements qui l'attendaient. Le pays où on l'entraînait, le motif, enfin, de ce soudain voyage. Il lui parut, après de mûres réflexions, que Montoni la menait à son château isolé, pour la contraindre plus sûrement à l'obéissance, par tous les moyens de terreur. Si les scènes ténébreuses et solitaires qu'on y disposait n'avaient pas l'effet attendu, son mariage y serait célébré de force, avec encore plus de mystère, et l'honneur de Montoni en serait toujours moins blessé. Le peu de courage que le délai lui avait rendu expira à cette idée terrible, et quand on atteignit le rivage, Émilie était retombée dans le plus pénible abattement. Montoni ne remonta pas la Brenta. Il continua la route en voiture pour gagner l'Apennin. Pendant ce voyage, ses manières avec Émilie furent si particulièrement sévères que cela seul eût confirmé ses premières conjectures. Mais elle n'avait pas besoin de confirmation. Elle voyait sans plaisir la belle contrée qu'elle traversait. Elle ne pouvait pourtant s'empêcher de sourire quelquefois aux naïves remarques d'Annette. Parfois aussi elle soupirait, quand un site d'une rare beauté rappelait Valancourt à sa pensée. Il s'en éloignait peu, mais la solitude où l'on courait la séquestrer ne lui laissait aucun espoir d'avoir encore de ses nouvelles. À la fin, les voyageurs commencèrent à monter au milieu des Apennins. D'immenses forêts de sapins, à cette époque, ombrageaient ces montagnes. La route se dirigea au milieu de ces bois et ne laissait voir que des robes suspendues encore plus haut, à moins qu'un intervalle entre les arbres ne laissât distinguer un moment la plaine qui s'étendait à leurs pieds. L'obscurité de ces retraites, leur morne silence, quand un vent léger n'ébranlait pas la cime des arbres, l'horreur des précipices qui se découvraient, l'un après l'autre, chaque objet en un mot, rendait plus imposantes les impressions de la triste Émilie. Elle ne voyait autour d'elle que des images d'une effrayante grandeur et d'une sombre sublimité. À mesure que les voyageurs montaient au travers des forêts de sapins, les roches s'élevaient au-dessus des roches. Les montagnes semblaient se multiplier, et le sommet d'une éminence ne semblait être que la base d'une autre. À la fin, ils se trouvèrent sur une petite esplanade, où les muletiers arrêtèrent leurs mules. La scène vaste et magnifique qui s'ouvrait dans le vallon excita l'admiration générale, et Madame Montoni elle-même y devint sensible. Émilie perdit un moment ses chagrins dans l'immensité de la nature, au-delà d'un amphithéâtre de montagnes, dont les masses paraissaient aussi nombreuses que le sont les vagues de la mer, et dont les bases étaient chargées d'épaisses furets, on découvrait la campagne d'Italie, où les rivières, les cités, les bois, toute la prospérité de la culture s'entremêlaient dans une riche confusion. L'Adriatique bornait l'horizon. Le Pô et la Brenta, après avoir fécondé toute l'étendue du paysage, y venaient décharger leurs fertiles eaux. Émilie contempla longtemps la splendeur du monde qu'elle quittait, et dont la magnificence semblait ne s'étaler devant elle que pour lui causer plus de regrets. Pour elle, le monde entier ne contenait que Valancourt. Son cœur se tournait vers lui seul, et pour lui seul coulaient ses pleurs. De ce point de vue sublime, les voyageurs continuèrent à gravir au milieu des forêts de sapins et pénétrèrent dans un étroit passage qui bornait de tous côtés les regards et montrait seulement d'effroyables rocs suspendus sur la tête. Aucun vestige humain, aucune ligne de végétation ne paraissait dans ce séjour. Ce passage conduisait au cœur des Apennins. Il s'élargit enfin et découvrit une chaîne de montagnes d'une extraordinaire aridité, au travers desquelles il fallut marcher pendant plusieurs heures. Vers la chute du jour, la route tourna dans une vallée plus profonde, qu'enfermaient, presque de tous côtés, des montagnes qui paraissaient inaccessible. À l'Orient, une échappée de vue montrait les Apennins dans leur plus sombre horreur. La longue perspective de leur masse entassée, leurs flancs chargés de noirs sapins, présentait une image de grandeur plus forte que tout, ce qu'Émilie avait déjà vu. Le soleil se couchait alors derrière la montagne même qu'Émilie descendait et projetait vers le vallon son ombre allongée. Mais ces rayons horizontaux, passant entre quelques roches écartées, doraient les sommités de la forêt opposée et brillaient sur les hautes tours et les combles d'un château dont les vastes remparts s'étendaient le long d'un affreux précipice. La splendeur de tant d'objets bien éclairés s'augmentait encore du contraste formé par les ombres qui déjà enveloppaient le vallon. « Voilà Udolphe, » dit Montoni, qui parlait pour la première fois depuis plusieurs heures. Émilie regarda le château avec une sorte d'effroi, quand elle sut que c'était celui de Montoni. Quoique éclairé maintenant par le soleil couchant, la gothique grandeur de son architecture, ses antiques murailles de pierre grise, en faisait un objet imposant et sinistre. La lumière s'affaiblit insensiblement sur les murs et ne répandit qu'une teinte de pourpre qui, s'effaçant à son tour, laissa les montagnes, le château et tous les objets environnants dans la plus profonde obscurité. Isolé, vaste et massif, il semblait dominer la contrée. Plus la nuit devenait obscure, plus ses tours élevées paraissait imposante. Émilie ne cessa de le regarder que lorsque l'épaisseur du bois, sous lequel les voitures commençaient à monter, lui en eut absolument dérobé la vue. L'étendue et l'obscurité de ces énormes forêts présentèrent d'épouvantables images à l'esprit d'Émilie, qui ne les trouvait propres qu'à servir de retraite à quelques bandits. À la fin, les voitures se trouvèrent au-dessus d'une plateforme et atteignirent les portes du château. Le long résonnement de la cloche qu'on fit sonner à la porte d'entrée augmenta l'effroi d'Émilie. Pendant qu'on attendait l'arrivée d'un domestique pour ouvrir ces portes formidables, elle considérait l'édifice. Les ténèbres qui l'enveloppaient ne lui permirent guère d'en discerner l'enceinte, les murailles épaisses, les remparts crénelés, et de s'apercevoir qu'il était vaste, antique et effrayant. Elle jugeait, sur ce qu'elle voyait, de la pesanteur et de l'étendue du reste. La porte par où elle entra conduisait dans les cours. Elle était d'une proportion gigantesque. De fortes tours, surmontées de tourelles et bien fortifiées, en défendaient le passage. Au lieu de bannières, on voyait flotter sur les pierres, désunies, de longues herbes et des plantes sauvages qui prenaient racine dans les ruines et qui semblaient croître à regret au milieu de la désolation qui les environnait. Les tours étaient unies par une courtine munie de créneaux et de casemates. Du haut de la voûte tombait une pesante herse. De cette porte, les murs des remparts communiquaient à d'autres tours et bordaient le précipice. Mais ces murailles, presque en ruine, aperçues à la dernière clarté du couchant, montraient les ravages de la guerre. L'obscurité enveloppait tout le reste. Tandis qu'Émilie observait avec tant d'attention, on entendit des pas derrière les portes, et bientôt on tira les verrous. Un ancien serviteur du château parut ensuite, et poussa les lourds battants pour laisser entrer son seigneur. Pendant que les roues tournaient avec fracas sous ces herses impénétrables, le cœur d'Émilie fut prêt à défaillir. Elle crut entrer dans sa prison. La sombre cour qu'elle traversa confirmait cette idée lugubre, et son imagination toujours active lui suggéra même plus de terreur que n'en pouvait justifier sa raison. Une autre porte ouvrit la seconde cour. De hautes herbes la couvraient de toutes parts. Elle était plus triste encore que la première. Émilie en jugeait à l'aide d'un faible crépuscule. Elle voyait ses hautes murailles tapissées de bruyères, de mousses, de lierre, et les tours crénelées qui s'élevaient encore au-dessus. L'idée d'une longue souffrance et d'un meurtre assaillit ses tristes pensées. Une de ces subites et inexplicables convictions qui s'emparent quelquefois des plus fortes âmes frappa la sienne d'une soudaine horreur. Ce sentiment ne diminua pas quand elle entra dans une salle gothique, immense, en proie aux ténèbres du soir. Un flambeau qui brillait au loin à travers une longue suite d'arcades servait seulement à rendre l'obscurité plus sensible. Un domestique apporta une seconde lampe, et ses faibles lueurs, tombant tour à tour sur les piliers et sur les voûtes, dessinaient fortement leurs ombres allongées sur le pavé et sur les murs. L'arrivée inattendue de Montoni n'avait permis aucun préparatif pour la recevoir. Le serviteur qui l'avait dépêché en partant lui-même de Venise l'avait devancé de peu de moments. Cette circonstance excusait en quelque sorte le dénuement et le désordre où paraissait être ce grand château. Le domestique qui vint éclairer Montoni le salua en silence, et sa physionomie ne s'anima d'aucune apparence de plaisir. Montoni répondit au salut par un léger mouvement de la main et passa. Sa femme suivait et jetait autour d'elle un regard de surprise et de mécontentement qu'elle paraissait craindre d'exprimer. Émilie, voyant l'étendue, l'immensité de cet édifice, avec un étonnement timide, s'approcha d'un escalier de marbre. Ici, les arcades formaient une voûte élevée du centre de laquelle pendait une lampe à trois branches qu'un domestique se hâtait d'allumer. La richesse des corniches, la grandeur d'une galerie qui conduisait à plusieurs appartements, les verres colorés d'une fenêtre qui s'ouvrait du haut jusqu'en bas, furent les objets que successivement on découvrit. Après avoir tourné au pied de l'escalier et traversé une antichambre, on entra dans un appartement de la plus spacieuse dimension. Sa boiserie de noir mélèze, coupée dans les montagnes voisines, ajoutait une nuance à l'obscurité même. « Apportez plus de lumière, » dit Montoni en entrant. Le serviteur posa sa lampe et se retira pour obéir. Madame Montoni observa que l'air du soir était humide dans ces régions, et qu'elle serait bien aise d'avoir un peu de feu. Montoni ajouta qu'on apporta du bois, tandis qu'avec un air pensif, il se promenait à grands pas dans la chambre, Madame Montoni se reposait en silence sur un sofa et attendait le retour du domestique. Émilie observait la singularité imposante et l'abandon de cet appartement. Une seule lampe l'éclairait et se trouvait placée près d'un grand miroir de Venise qui réfléchissait obscurément la scène, et entre autres la figure de Montoni, passant et repassant avec les bras croisés et le visage ombragé du panache qui flottait sur son grand chapeau. De l'examen de ce spectacle, l'esprit d'Émilie se porta aux appréhensions de ce qu'elle aurait à souffrir. Le souvenir de Valancourt, si éloigné d'elle, vint ensuite peser sur son âme et changer sa crainte en douleur. Un long soupir lui échappa. Elle essaya de retenir ses pleurs et s'approcha d'une haute fenêtre. Elle ouvrait sur les remparts, au-dessous desquels se trouvait le bois qu'on traversait pour venir au château. Mais l'ombre de la nuit enveloppait les montagnes. À peine leurs contours pouvaient-ils même se distinguer sur l'horizon, dont une bande rougeâtre indiquait seule l'Occident. La vallée tout entière était ensevelie dans les ténèbres. Les objets qui frappèrent les regards d'Émilie lorsqu'on ouvrit la porte n'étaient guère moins tristes. Le vieux serviteur, qui d'abord les avait reçus, entrait alors courbé sous un fagot d'épines, et deux des valets de Montoni le suivaient avec des lumières. Votre Excellence soit la bienvenue, dit le vieillard en se levant de terre, après y avoir posé son fagot. Ce château a été bien longtemps désert. Vous excuserez, signor, vous savez que nous avons eu bien peu de temps. Il y aura 2 ans à la Saint-Marc prochaine que votre Excellence n'est venue ici. Vous avez bonne mémoire, vieux Carlo, dit Montoni. C'est cela même. Comment as-tu donc fait pour vivre si longtemps? Ah, signor, ce n'est pas sans peine. Les vents froids qui soufflent à travers le château dans l'hiver ne valent rien pour moi. J'ai pensé plus d'une fois à demander à votre Excellence de me laisser quitter les montagnes pour me retirer dans la vallée, mais je ne sais pas comment cela se fait. Je ne puis abandonner ces vieilles murailles où j'ai vécu tant d'années. Bon, dit Montoni, et qu'avez-vous fait dans ce château depuis mon départ? À peu près comme à l'ordinaire, signor. Il a grand besoin de réparation. Il y a la tour du Nord, plusieurs de ses fortifications croulées, et ont manqué un jour de tomber sur la tête de ma pauvre femme. Dieu veuille avoir son âme. Votre Excellence doit la voir. Cela suffit. Les réparations? Interrompit Montoni. Les réparations? Dit Carlo. Une partie du toit de la grande salle a effondré dedans. Tous les vents des montagnes voisines s'y engouffraient l'hiver dernier et sifflaient dans le château de telle sorte qu'on ne pouvait s'y échauffer. Ma femme et moi, nous nous retranchions en grelottant auprès d'un feu énorme dans le coin d'une petite salle. Et encore, nous mourrions de froid. N'y a-t-il pas d'autres réparations à faire? Dit Montoni impatiemment. Ô Seigneur, votre Excellence, oui, le mur du rempart s'est éboulé en 3 places. Les escaliers qui conduisent à la galerie, au couchant, ont été depuis longtemps en si mauvais état qu'il est fort dangereux d'y passer. Le corridor qui conduit à la chambre de chêne sur le rempart du Nord est dans le même état. Un soir, l'hiver dernier, je m'y hasardais, et votre Excellence... Allez, allez, dit Montoni vivement, nous causerons plus au long demain matin. Le feu était allumé. Carlo balaya la cheminée, plaça des chaises, essuya la poussière d'une table de marbre voisine, et sortit enfin de l'appartement. Montoni et sa famille s'approchèrent du feu. Madame Montoni fit plusieurs tentatives pour nouer l'entretien, mais ses réponses brusques la repoussèrent. Émilie s'efforça de réunir ses forces et, s'énonçant d'une voix tremblante, « Puis-je vous demander, monsieur, dit-elle, le motif d'un si prompt départ ?» Après une longue pause, elle eut assez de courage pour réitérer la question. « Il ne me convient pas de répondre aux questions, dit Montoni. Il ne vous convient pas de m'en faire. Le temps expliquera tout. Je désire à présent n'être pas importuné plus longtemps. Je vous engage à prendre une conduite raisonnable. Toutes ces idées de sensibilité prétendues à les nommer du terme le plus doux ne sont vraiment que de la faiblesse. » Émilie se leva pour se retirer. « Bonsoir, madame, dit-elle à sa tante, avec un maintien composé qui déguisait mal son émotion. « Bonne nuit, ma chère, dit madame Montoni avec un accent de honte que sa nièce n'avait jamais éprouvé d'elle. Cette tendresse inattendue fit couler les larmes d'Émilie. Elle salua Montoni et elle se retirait. « Mais vous ne savez pas le chemin de votre chambre, dit sa tante. » Montoni appela le domestique qui attendait dans l'antichambre et lui ordonna d'envoyer la femme de chambre de madame Montoni. Elle vint en peu de minutes et suivit Émilie qui se retira. « Savez-vous où est ma chambre ? » dit-elle à Annette en traversant la salle. « Oui, je crois le savoir, mademoiselle. Mais c'est une étrange pièce. Il y a de quoi s'y promener. Je m'y suis perdu. On l'appelle la double chambre. Elle est sur le rempart du midi. On y va par le grand escalier. La chambre de madame est à l'autre extrémité du château. Émilie monta l'escalier et vint au corridor. En le traversant, Annette reprit son caquet. C'est un lieu bien sauvage et bien triste. Que celui-ci, mademoiselle, je me sens tout effrayé d'y vivre. Oh, combien souvent, et souvent j'aurais déjà voulu me revoir en France. Je ne pensais guère, lorsque je suivis madame pour voir le monde, que je serais claquemuré dans un endroit comme celui-ci. Je n'aurais pas quitté mon pays. C'est par là, mademoiselle, il faut tourner. En vérité, je suis tenté de croire aux géants. Ce château est tout à fait pour eux. Une nuit ou l'autre, nous verrons quelques farfadets. Il en viendra dans cette grande vieille salle qui, avec ses lourds piliers, ressemble plus à une église qu'à autre chose. Oui, dit Émilie en souriant, et bien aise d'échapper à de plus sérieuses pensées, si nous venions dans le corridor à minuit et que nous regardassions dans le vestibule, nous le verrions sans doute illuminé de plus de 1000 lampes. Tous les lutins danseraient en rond, au son d'une délicieuse musique. C'est en des lieux comme celui-là qu'ils s'assemblent toujours pour tenir leur sabbat. Je crains, Annette, que vous n'ayez pas assez de courage pour mériter de voir un aussi joli spectacle. Si vous parlez, tout s'évanouira à l'instant. Je crois bien que si j'y vis longtemps, je deviendrai un revenant moi-même, fit Annette. J'espère, dit Émilie, que vous ne ferez pas confidence de vos craintes à M. Montoni. Elle lui déplairait extrêmement. Quoi? Vous savez donc tout, mademoiselle? Dit Annette. Oh, non, non, je sais mieux ce que j'ai à faire. Et si monsieur peut dormir en paix, tout le monde dans le château peut en faire autant. Émilie ne parut pas remarquer cette observation. Par ce passage, mademoiselle, il conduit à un petit escalier. Oh, si je vois quelque chose, je perdrai connaissance, cela est certain. Cela n'est pas possible, dit Émilie en souriant. Et suivant le tournant du passage, qui donnait dans une autre galerie, Annette s'aperçut alors qu'elle avait perdu son chemin. Elle s'égara de plus en plus à travers d'autres corridors, effrayée à la fin de leur détour et de leur solitude. Elle cria pour avoir du secours. Les domestiques étaient à l'autre bout du château et ne pouvaient entendre sa voix. Émilie ouvrit la porte d'une chambre à gauche. « N'allez pas là, mademoiselle, dit Annette, vous vous perdrez encore bien plus. » « Portez la lumière, dit Émilie, nous trouverons notre chemin à travers toutes ces pièces. » Annette avança avec répugnance. La chambre ouvrait sur une enfilade d'appartements anciens et très spacieux. Les uns étaient tendus en tapisserie, d'autres boisés de cèdre et de noirs mélèzes. Les meubles qu'on y voyait semblaient aussi antiques que les murailles et conservaient une apparence de grandeur, quoique rougis de poussière et tombant en vétusté. « Comme il fait froid ici, mademoiselle, dit Annette. Personne n'y a habité depuis des siècles, à ce qu'on dit. Allons-nous-en. Peut-être arriverons-nous jusqu'au grand escalier, dit Émilie, en marchant toujours. Elle se trouva dans un salon garni de tableaux et prit la lumière pour examiner celui d'un soldat à cheval sur un champ de bataille. Il appuyait son épée sur un homme que son cheval foulait aux pieds et qui semblait lui demander grâce. Le soldat, la visière levée, le regardait avec l'air de la vengeance. Cette expression et tout l'ensemble frappèrent Émilie par la ressemblance de Montoni. Elle frissonna et détourna les yeux. En passant légèrement la lumière sur les autres tableaux, elle vint à un que couvrait un voile de soie noire. Cette singularité la frappa. Elle s'arrêta dans l'intention d'écarter le voile et de considérer ce qu'on cachait avec tant de soin. Cependant, un peu interdite, son courage balançait. « Vierge Marie, s'écria Annette, qu'est-ce que cela veut dire? C'est sûrement la peinture, le tableau dont on parlait à Venise. »« Quelle peinture ? Dit Émilie, quel tableau? Un tableau, dit Annette, en tremblant. Je n'ai jamais bien su ce que c'était. Levez la toile, Annette. Qui? Moi? Mademoiselle, moi? Non, pour le monde entier. Émilie se retournant vers Annette qui pâlissait. Et je vous prie, qu'avez-vous su de ce tableau pour vous épouvanter ainsi ? Rien, mademoiselle, on ne m'a rien dit. Trouvez notre chemin. Sans doute, dit Émilie, mais je veux d'abord voir ce tableau. Prenez la lumière, Annette, je lèverai le voile. Annette prit la lumière et s'enfuit précipitamment sans vouloir entendre Émilie. Et ne voulant pas rester au fond d'une chambre obscure, il fallut bien qu'Émilie la suivît elle-même. Mais, Annette, qu'avez-vous donc ? Dit Émilie en la rejoignant. Que vous a-t-on dit de ce tableau puisque vous ne restez pas quand je vous en prie ? Je n'en sais pas la raison, mademoiselle, répondit Annette. On ne m'a rien dit de ce tableau. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu quelque chose de très effrayant à ce sujet, et que depuis, il a toujours été couvert d'un voile noir, et que personne ne l'a regardé depuis bien longtemps. Cela a, dit-on, quelque rapport avec la personne qui possédait le château avant qu'il appartint à monsieur, et... Fort bien, Annette, dit Émilie, je m'aperçois qu'effectivement vous ne savez rien sur ce tableau. Non, rien en vérité, mademoiselle, car ils m'ont bien fait promettre de n'en jamais parler. Mais, en ce cas, dit Émilie, qui la vit combattue par l'envie de révéler un secret et par la crainte des conséquences, en ce cas, je n'en demande pas davantage. Non, mademoiselle, ne me le demandez pas. Vous diriez tout, répondit Émilie. Annette rougit. Émilie sourit. Elles achevèrent de parcourir cette suite de pièces et se trouvèrent enfin, avec un peu d'embarras, sur le haut du grand escalier. Annette y laissa Émilie pour appeler une servante du château et se faire conduire à la chambre qu'elles avaient en vain cherchée. Pendant son absence, Émilie s'occupait du tableau. La crainte de séduire la probité d'une femme de chambre avait arrêté ses questions sur ce sujet, aussi bien que sur les ouvertures qu'elle avait rejetées relativement à Montoni. Sa curiosité était pourtant extrême, et elle ne croyait pas qu'il lui fût difficile de la satisfaire. Quelquefois, elle était tentée de retourner à l'appartement pour examiner ce tableau, mais l'heure, le lieu, le silence morne qui y régnait, le mystère qui accompagnait ce tableau, tout conspirait à augmenter sa circonspection et à la détourner de cette épreuve. Elle résolut, cependant, quand le jour aurait ranimé son courage, de retourner à cette chambre et d'écarter le voile.